Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de cette édition. Le terrain où l'on devait construire un marché des planches au quartier Kinyinya 2 en zone routière de la mairie de Bujumbura n'est toujours pas aménagé. Les travaux ont été suspendus depuis décembre 2022 et le chantier donne aujourd'hui l'image de ruines abandonnées. La mairie de Bujumbura a procédé ce mardi à l'évacuation des réparateurs de véhicules exerçant leurs activités dans différentes avenues de la zone Wuyenzi. L'administration explique que cette mesure vise à préserver la propriété de cette entité. Et 190 mineurs retirés des rues de Bujumbura et d'autres coins du pays sont internés dans le centre de rééducation et de réinsertion se trouvant sur la colline Munzenze. C'est dans la province Tchankouzo depuis octobre 2023. Ce centre compte plus de 530 personnes, dont des adultes aussi. Reportage à suivre. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La mairie de Bujumbura a procédé ce mardi à l'évacuation des garagistes exerçant leurs activités dans différentes avenues de la zone Wuyenzi. Ces derniers se plaignent que l'exécution de cette mesure est hâtive puisqu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour préparer leur déménagement. Au micro de la radio-télévision Isanganiro, ils demandent aux autorités de leur indiquer un endroit où travailler. Jean-Marie Mayonga. Certains garagistes exerçant leurs activités dans différentes avenues de la zone Wuyenzi à mairie de Bujumbura disent qu'ils ont été surpris de voir la police les empêchant à travailler. Ils disent qu'ils n'ont pas été consultés alors qu'ils devraient être préparés à temps. Ces mécaniciens et garagistes expliquent que ça fait plusieurs jours qu'ils attendaient d'être déplacés dans un autre endroit, mais ça n'a pas été fait. Ils affirment qu'ils cotisent chaque jour de l'argent pour le transport des déchets. Cette question de garage a été rentable. A débattu, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse pour nous montrer où aller. Plusieurs réunions ont été organisées sur cette question, mais nous montrer où nous pouvons exercer notre métier, ça a resté problème. Nous sommes d'accord avec le gouvernement sur la propriété de la ville. Le matin de ce mardi, nous avons été surpris par la police qui nous a interdit de travailler. Ils sont venus sans nous avertir. Nous ne savons rien de cela. Ils demandent aux autorités de tout faire pour leur trouver une autre place où ils pourront exercer leur métier de mécanicien, car c'est dans cet endroit où ils trouvent de quoi à faire vivre leur famille. De leur côté, ce serait une bonne chose si le gouvernement trouvait une autre place appropriée pour y exercer leur métier, comme ça a été déjà annoncé par les autorités. Nous demandons au gouvernement de nous trouver une autre place où nous pouvons exercer notre métier. Nous sommes d'accord d'y aller. Ils nous ont parlé d'un endroit à Maranvia où seront tous les mécaniciens. Nous ne refusons pas qu'ils nous montrent cette place. La mesure interdisant le travail de réparer les véhicules dans les rues de la zone Bouyenzi ce mardi a été menée à partir de la 3e avenue jusqu'à la 7e avenue. Selon le chef de la zone Bouyenzi, ce travail sera exécuté dans toutes les avenues de cette zone. Jean-Marie Mayonga, le chef de zone Bouyenzi, recommande à ses mécaniciens de se chercher des parcelles à bien aménager pour leur métier. Sefou Nyonguru leur rappelle que la décision a été prise par l'administration pour garder la propriété de cette zone. On l'écoute. Nous suspendons les activités de mécanique dans les avenues et car ces activités causent souvent d'insécurité. Avec ces activités, il y a d'autres choses qui n'arrivent pas à bien fonctionner. Et ça, par exemple, quand il y a le problème de sécurité, s'il y a quelque part où il y a des incendies, il nous est difficile quand il y a des gens qui viennent en secours. Et pour intervenir aux gens qui ont des problèmes là. Et mais comme il y a autant d'entassements dans des avenues, le passage reste impraticable, le passage reste difficile. Nous voulons traiter sur l'intérêt général du pays, pas pour des intérêts sectaires. Alors nous demanderions à ce que ces mécaniciens puissent déménager des avenues pour chercher les enclos ou aller travailler là-dedans ou quitter dans la zone Bouyenzi pour aller ailleurs pour que nous puissions nous aussi atteindre la vision 2040-2060 pour le développement. Les avenues, les caniveaux, ce sont des biens communautaires. Et une fois détruire la route, c'est l'État qui en subit des conséquences. À partir du numéro 1 ici, à l'avenir de la santé, jusqu'au numéro 40, nous ne voulons pas voir ceux qui travaillent et dans les avenues. Nous voulons seulement voir le passage libre pour les piétons, le passage libre pour les véhicules qui entrent et qui sortent. Et nous voulions que le Buyenzi ne puisse pas rester comme un dépotoir. Dans la suite de ce journal, plus de 530 personnes, dont des mineurs et adultes, retirés des rues dans différents coins du pays, sont abrités dans le centre de rééducation et de réinsertion sur la colline Mounzenze de la province Tchankouzo depuis octobre 2023. Parmi ces personnes, plus de 190 sont des mineurs. Le ministère ayant la solidarité et les droits humains dans ses attributions justifie que la province Tchankouzo a été choisie pour sa distance la séparant d'avec les villes dans lesquelles se trouvaient ces mendiants, afin de permettre un bon encadrement. Placide Niamongale, reportage. Ce centre de rééducation et de réinsertion qui abrite cette fois-ci des personnes, mineurs et adultes retirés de la rue selon leurs responsables, se trouve sur la colline Zone Mounzenze à 261 km de la capitale économique Bujumbura, à 45 km du chef-lieu de la province Tchankouzo, à 20 km du centre communal de Mishiha et à 5 km de la frontière Burundo-Tanzanie. Selon le responsable de ce centre, depuis le mois d'octobre en 2023, deux convois de ces personnes qualifiées de mendiants ont été reçus, étant composés en premier lieu d'enfants et en deuxième temps par des adultes en situation de la rue. Selon le rapport du 31 janvier 2024, les statistiques renseignent que dans ce centre de trois tentes, de deux salles administratives en dur, moyennant leur état de vétusté et sans clôture, se trouvent 195 mineurs, dont 161 garçons, 33 filles, auxquelles s'ajoutent trois nourrissons. À côté, ont été également admis dans ce centre 340 adultes, dont 311 hommes et 29 femmes, deux étant enceintes, ce qui fait un total de 538 personnes, encadrées actuellement par un personnel de 22 agents, dont 9 du ministère de la Solidarité nationale. Malgré la présence des agents de sécurité sur les lieux, des informations confirmées par le responsable du centre et l'administration communale de Mishiha, sans pour autant donner des statistiques, font état des évasions, arrêtées ou non, qui profitent du manque de clôture sur ce centre, même si les bénéficiaires sont soignés en cas de maladie et également nourris. Toutefois, le porte-parole du ministère en charge des droits humains, Idéfonse Majambélé, révèle que ce site a été installé dans la province de Tchankouzo pour sa distance importante des villes dans lesquelles se trouvaient ces personnes en situation de la rue afin de garantir un meilleur encadrement. On s'est dit de choisir une province reculée de la ville de Bujumbura pour servir de centre de transit pour la réinsertion de ces enfants. Donc la raison, c'est vraiment sa distance et son éloignement par rapport à la ville. Selon le responsable, ce site qui était conçu pour encadrement et réinsertion des mineurs en situation de la rue n'a pas encore été inauguré officiellement pour cause des travaux d'aménagement de ces lieux qui restent toujours en cours. Les personnes se trouvant sous l'abri de ces sites ont été tirées dans les villes comme Bujumbura, Gitega, Kayanza, Kirundo et Ngozi. Jusqu'ici, le Burundi connaissait déjà deux centres pour encadrement des enfants en situation de la rue, dont celui dénommé Enfant Soleil et celui d'encadrement et de réinsertion des enfants de la rue implanté à mairie de Bujumbura, tous étant été créés entre 1990 et 1996. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les travaux d'aménagement du terrain qui était réservé au marché des planches au quartier Kinyinya 2 en zone Boutelele de la mairie de Bujumbura ont été suspendus. Ce terrain clôturé en tube fil barbelé est aujourd'hui couvert de broussailles. Certaines réalisations opérées dans ce terrain sont endommagées progressivement, comme par exemple les projecteurs mis en place qui ne sont plus fonctionnels suite au vol de fils conducteurs du courant. Les habitants environnants pensent que le terrain en question serait en litige. Omer Douayo. Ce terrain est localisé au quartier Kiyangé 2, sur la première avenue, à environ 100 mètres de la route principale de la zone Buterere, joignant la route nationale numéro 5, Bujumbura-Chibitoke. C'est dans une superficie de 10 hectares. Il est clôturé en fer. Sur cette clôture, 8 projecteurs sont installés, mais non fonctionnels, parce que les fils conducteurs du courant n'y sont plus. La barrière mise à l'entrée principale de ce terrain n'empêche n'empêche pas ceux qui exercent des travaux champêtres aux alentours de ce terrain et toute personne de passer. À l'intérieur de ce terrain, l'on y aperçoit trois maisons. La principale, qui était dernièrement occupée par les policiers. On y aperçoit également le lieu d'aisance. La troisième maison serait destinée aux sentinelles, puisqu'elle est sur l'entrée principale. Tous ces bâtiments existaient avant le projet du marché pour les planches, mais ils ont été réhabilités. Des canaux y sont également construits pour dégager les eaux usées. Le manque de propriété fait que ce terrain soit couvert de broussailles pouvant abriter de petits animaux, dont les reptiles. Ceux qui exercent des activités champêtres aux environs de ce terrain estiment que le projet du marché des planches a été suspendu car ce terrain ferait objet de conflits fonciers. La mesure de faire de ce terrain en marché des planches a été prise par la mairie de Bujumbura fin 2022 pour être exécutée début 2023. Cette mesure a été suspendue par le ministère de l'Environnement expliquant que cet endroit n'était pas convenable pour le marché. Manque criant d'eau potable au lycée Rumonge dans les environs depuis vendredi dernier. L'entreprise OGS Atom intervient au lycée Rumonge au moment où l'hygiène et l'assainissement commençaient à se compliquer dans cet établissement scolaire à régime d'internat. Jean-Pierre Misago. Vers 17h de ce mardi, un camion citerne de l'entreprise de construction Sogeas Atom réhabilita la route nationale numéro 3. Dans ce tronçon, Rumonge Gitaza commençait à remplir un blader d'une capacité de 10 000 litres posé près des dortoirs des élèves du lycée Rumonge par la Croix-Rouge du Burundi, antenne provinciale de Rumonge ce mardi matin. C'est après une alarme tiré par le directeur du lycée Rumonge à l'endroit de l'autorité communale et provinciale de Rumonge ce mardi matin, que si rien n'est fait dans l'urgence, la situation dans cet établissement scolaire à régime d'internat risque de s'empirer. En effet, les latrines dans les dortoirs commençaient à se boucher et une odeur nauséabonde s'y dégageait déjà, accompagnée d'un grouillement de mouches. C'est un ouf de soulagement et chez les responsables de cette école, et chez les lycéens qui se rabattaient aux eaux du lac Tanganyika depuis samedi dernier, une situation qui avait déjà perturbé les enseignements et qui compliquait les conditions hygiéniques à l'internat. Mais chez les autres habitants de Rukinga, Gihwanya et Mugomere, concernés par ce problème, il faudra attendre la réhabilitation du réseau hydraulique les alimentant en eau potable coupée au niveau de la rivière Dama. Une réhabilitation dont les préparatifs vont bon train, selon le responsable de la régie des eaux centrales Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et le rapport sur l'indice de perception de la corruption de Transparence internationale de 2023 classe le Burundi à la 162e place sur 180 pays avec un score de 20%. Comparativement au rapport de 2022, le Burundi a amélioré son classement de 9 places puisqu'il occupait la 171e place. En Afrique de l'Est, le Burundi occupait le même rang que la RDC au cours de l'année 2023. Mireille Kanyang. La Corruption Perceptions Index, CPI, en sigle anglais de Transparence Internationale 2023, montre que la première place est occupée par le Danemark avec 90%. Le Burundi vient à la 162e position avec un score de 20%, au même titre que la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Tchad, les Comores, le Soudan, le Myanmar et le Tadjikistan. Cet indice de perception de la corruption en 2022 a classé le Burundi au 171e rang avec 17%. En Afrique de l'Est, le Rwanda occupe le 49e rang avec un score de 53%, suivi par la Tanzanie à la 87e place avec un score de 40%. Il vient ensuite le Kenya qui occupe la 126e place avec un score de 31%. L'Ouganda occupe la 141e position avec un score de 26%. Le Soudan du Sud occupe la 177e position avec un score de 13%, ainsi que la Somalie qui occupe la dernière place avec un score de 11%. Merci Mireille. Et à propos de ce rapport, le directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM, trouve que la mise en place d'une stratégie nationale de bonne gouvernance et l'indépendance de la magistrature permettrait de lutter efficacement contre la corruption au Burundi. Faustin Ndikumana ajoute que l'impunité favorise la corruption et freine le développement du pays. Pour le cas présent de la lutte contre la corruption, c'est une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui doit être bien élaborée et pour guider la lutte contre la corruption dans un pays. C'est la loi, c'est des institutions fortes, indépendantes, avec des actions de prévention qui sont là pour prévenir les actions de corruption dans différents secteurs de la vie nationale. C'est au Burundi actuellement la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption qui a fait échéance en 2015. Depuis 2015, on a pris sorti une stratégie nationale de lutte contre la corruption, comme je dirais, une stratégie pour éclairer différents secteurs, les différents territoires. Le cadre légal de lutte contre la corruption, actuellement la loi anticorruption, on l'avait qualifiée de lacunaire, même je dirais, elle est ignorée. Maintenant, les délits, les infractions connexes à la corruption, le détournement, la concussion, le blanchiment, le favoritisme dans les marchés publics, l'abus des biens sociaux sont des infractions qui sont ignorées complètement actuellement et sont commises dans l'ignorance. La Cour des comptes, l'inspection générale de l'État ou différentes inspections des ministères, ils n'ont pas assez de force pour frapper fort contre ce fléau. L'indépendance au niveau du fonctionnement, les moyens humains, matériels, tout sera artère le résultat de leur travail. La justice qui devrait réprimer les actes de corruption sont indépendants. Est hypothétique actuellement. Quand on parle de l'indépendance de la magistrature aujourd'hui, on veut l'analyser sous l'angle de la justice qui traite les affaires civiles. Mais il faut une justice indépendante qui peut frapper fort contre les corrupteurs, les actes de corruption dans l'administration, même à l'échelon le plus élevé. J'imagine qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire une introspection, voir comment ranimer tous ces instruments de lutte contre la corruption. Radio Isanganiro, chronique santé. La conjonctivite virale correspond à une inflammation ou une irritation de la partie blanche de l'œil. Selon l'ophtalmologue Lévi Kandeke, cette maladie est provoquée par un adénovirus, un type de virus très contagieux. On le rencontre très souvent chez les enfants, même si les adultes ne sont pas épargnés. Le diagnostic est clinique. Ornella Mouche. La conjonctivité virale correspond à l'inflammation de la membrane transparente qui recouvre la partie blanche de l'œil et des paupières. L'ophtalmologue Lévi Kandeke explique que la période d'incubation est de 5 à 12 jours et après, les symptômes comme les yeux rouges et larmoyants ainsi que la sensation d'avoir du sable dans l'œil apparaissent et en moyenne, une conjonctivité dure une à deux semaines. Il y a des symptômes qui sont caractéristiques et qui font que la maladie est facilement reconnaissable. Les patients ont souvent les yeux rouges, tous les deux yeux. Il y a des sécrétions oculaires. Le patient se plaint d'avoir une sensation de sable, de corps étranger dans l'œil. Parfois même, il y a des gonflements des paupières. On peut avoir une sensibilité accrue à la lumière et démangeaisons. Alors, il faut comprendre que ces symptômes varient d'une personne à l'autre, certaines personnes étant plus sensibles que d'autres. Ce spécialiste ajoute que cette maladie touche toutes les tranches d'âge. Cependant, les enfants sont les plus touchés et la contagion passe par les larmes et la salive, mais aussi par le simple contact et qu'elle peut être contagieuse jusqu'à deux semaines. Alors, il faut comprendre que cette maladie peut toucher toutes les personnes de tout âge et de tout milieu. Chez les jeunes enfants et les jeunes adultes, c'est souvent à l'école qu'on voit la maladie. Et également, on voit beaucoup la maladie chez les professionnels de la santé, suite au contact avec les patients, ou alors les individus qui travaillent dans les communautés fermées. Elle se propage rapidement. La transmission se fait par contact direct avec une personne infectée ou par les objets contaminés, comme des serviettes et des instruments que vous utilisez tous les jours. Cette maladie survient généralement lorsqu'il y a présence d'allergènes dans l'air. Nous savons que c'est souvent durant les saisons de transition, c'est-à-dire quand vous passez d'une saison des pluies ou alors dans des périodes de regroupement communautaire au début, de lancement des écoles, des classes, ou parfois dans la saison où vous avez des maladies respiratoires dans la population. Ce qu'il y a à savoir qui est encore plus intéressant, c'est que nous avons remarqué que c'est surtout dans les régions avec une certaine humidité qui sont touchées. Si vous devez regarder dans la région de l'Afrique de l'Est, vous allez voir que par exemple au Kenya, c'est surtout Mombasa qui est touché, ou qu'en Tanzanie, c'est surtout Dar es Salaam qui est touché. Ici au Burundi, c'est surtout Bujumbura, mais vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur des terres, à l'intérieur du Burundi, la maladie ne se développe pas autant qu'à Bujumbura. Des explications en rapport avec le traitement et le mode de prévention seront données dans notre prochaine chronique santé. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.